En Corée, les habitants des provinces du Gangwon, du Fang et du Sud et du Nord, du Tagang, du Hamgyong du Nord, du Ryanggang et des villes de Nampo et de la Son ont tenu respectivement un meeting les 9 et 10 pour jurer d'appliquer à fond les tâches de programme avancées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message du Nouvel An de cette année. Y étaient présents les cadres des organismes locaux du parti, du pouvoir et de l'économie, des organisations des travailleurs, usines, entreprises, fermes et grandes écoles, les travailleurs et jeunes. Les orateurs ont souligné que le message du Nouvel An de Kim Jong-un sert de guide de valeur et d'étendard invincible, permettant d'auréoler cette année d'événements historiques nationaux des plus significatifs et de mérites héroïques grâce à la manifestation maximale de la force d'esprit indomptable et du moral révolutionnaire des militaires et civils. Ils ont appelé tous les cadres, militants du parti et autres travailleurs, à s'inspirer de son message du Nouvel An pour créer sans cesse cette année de nouveaux mythes héroïques dans la lutte destinée à marquer un progrès faisant date dans l'application de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Le meeting fini, les participants sont descendus dans la rue.